La statue en bronze du général Kim Jong-il est érigée dans l'arrondissement de Samdion. La cérémonie de dévoilement a eu lieu le 23 septembre. Sur les deux côtés de la statue se trouvait la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et des paysans et des drapeaux militaires. À la cérémonie ont participé Fang Byung-soo, Choi Ryong-hae et autres quatre responsables du parti, de l'État et de l'armée, les quatre de la province de Liangang, de l'arrondissement de Samdion, du secteur intéressé, les quatre, les méritants des unités d'activité qui ont contribué à la construction, les membres de la troupe de choc, les travailleurs, les jeunes étudiants, les officiers et soldats de l'armée populaire. Les quatre responsables du parti, de l'armée et de l'arrondissement ont dévoilé la statue. On a déposé la corbeille de fleurs au nom du respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, la corbeille de fleurs au nom commun du Comité Central du Parti du Travail de Corée, du Comité des Affaires d'État, du Présidium de l'Assemblée Populaire Suprême et du Cabinet Ministériel de la République Populaire Démocratique de Corée, la corbeille de fleurs au nom de la population de l'arrondissement, les corbeilles au nom des organismes du parti, du pouvoir, des organisations des travailleurs, des établissements, des entreprises, des usines, des fermes de la province et de l'arrondissement, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée. Tous les participants à la cérémonie se sont inclinés avec respect devant la statue. Dans son discours, Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a dit: la statue du grand camarade Kim Jong-il est érigée au niveau suprême dans le lieu sacré historique de la révolution. C'est le résultat de la direction éclairée du respecté camarade Kim Jong-un qui inaugure une nouvelle histoire pour la mémoire éternelle du leader sans précédent. Tous sont appelés à honorer le grand camarade Kim Jong-il comme éternel leader de notre parti et de notre peuple, à suivre la direction du respecté camarade Kim Jong-un pour livrer une plus forte offensive générale en vue de l'application parfaite de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée et hâter la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Tse.